des étudiants dans cette grande cité dortoir. J'allais comme chaque jour pour travailler à travers le noir. Je vis cette fille assise sur un banc public, signe du destin. Son regard lointain a croisé le mien. Mais jamais, non jamais, jamais je ne saurai. Jamais, jamais je ne saurai ses pensées. Comme une icône assez fidèle, encore maintenant souvent je pense à elle. Chaque matin je reprends le même chemin. Je vois le banc, mais personne ne m'y attend. Les ombres des arbres qui s'agitent au rythme du vent me racontent une histoire où l'on s'est aimé, évidemment. Mais jamais, non jamais, jamais je ne saurai. Jamais, jamais je ne saurai ses pensées. Comme une icône assez fidèle, encore maintenant souvent je pense à elle. Je me lève à 7 heures et j'emmène les gosses à l'école. Je ne travaille plus, la vie est si lasse, je n'y crois plus. Aujourd'hui je reviens près du banc, je me rapproche. Une fille est assise et son regard me semble si proche. Je m'assois, ne dis rien, le temps passe, elle prend ma main. Son regard est un miroir, je le laisse m'emmener loin. Jamais ne dis jamais, jamais ne dis jamais.